DJ percussion bouteille. Tu nous entends qui parle là? Oui. Je m'embuse dans une heure. J'aurais tellement voulu te contempler plus longtemps, plonger dans tes bras nus jusqu'à la nuit des temps. Mais Jenny, je ne t'ai vu qu'une fois, pourtant je ne t'oublierai pas. Jenny, je ne t'ai vu qu'une fois, pourtant je ne t'oublierai pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amour, oh ma chérie, viens dans mes bras et reste-y. Merci, Jenny, je ne t'ai vu qu'une fois.